Le Sensei! Mes chers disciples, vous arrivez à la fin de votre formation. Il est grand temps pour vous de toucher le micro d'or. Sensei, on a volé le micro d'or. Catastrophe. Il faut qu'on retrouve vite le micro d'or, son alcôve est vide. Il est le symbole de vie, le mythe, la quintessence du groupe. La louve des moines, le soleil se levant au top. Le KRS-One, l'essence du swing, l'éveil du hip-hop d'avant. Avant autant qu'il y avait de vrais MC, vrai constante, concept appris. Combat de rime, un bon esprit, tous ont compris que la gloire est à ce prix. Les gens s'aident, contemplent le totem, est parti, mais qui l'a pris? C'est moi, le temps où je m'en tape, ça y est, j'ai tapé le mic, bientôt le magot. Pour ma gueule, ma clé d'ego, de la maille à gogo. À la recherche du mic perdu, je pars en expédition pour accomplir ma mission, remplir ma tâche. Sans rémission, qu'il vente ou qu'il pleuve, au-delà des monts et des fleuves, pour le ramener au temple, je surmonterai toutes les épreuves. Assis en tailleur, plongeant dans la méditation, l'aura du mic m'appelle, je perçois ses vibrations. Je suis là, poursuivons l'expédition. Je suis là, à la recherche du mic perdu. Comme c'est moi, poursuivons l'expédition. Retour à la recherche du mic perdu. Je suis là, poursuivons l'expédition. Je suis là, à la recherche du mic perdu. Comme c'est moi, poursuivons l'expédition. Là, quelqu'un cavale là. Je sens l'éclat du mic, décemment je guette. J'arrête le moine et mec, pourquoi? Je suis pas né pour trimer, non, c'est pas mon truc frimer. Ça me suffit, serrer les femmes affriolantes sur le sofa, soufflant dans le creux de l'oreille des rimes, sentant l'oseille, sentant de belles vies, c'est ce que je veux. Pour ça j'ai volé, mais ça valait le coup. Je perds la boule et on coule tous comme un Pearl Harbour. Tu bouffes tout seul le labeur de toute une vie de déboire. Stop tes sermons, faut savoir briser ses serments. S'armer au bon moment pour viser le sommet. Je veux pas finir au temple assommé. Sous poids du taf à ça, non, on vient créer notre propre salon de pro. Afin de goûter les vrais. J'avoue que c'est tentant, vu que c'est tout le temps la même chose. Dans le temple, on contemple les roses le matin. Content, dois-je l'être, on s'abreuve de l'être. Les rouages du succès changent un être. J'ose, je te suis, mais au-dessus de moi, j'entends. Poursuivons l'expédition. Suis-moi, à la recherche du mal perdu. Comme c'est moi. Poursuivons l'expédition. Retour à la recherche du mal perdu. Je suis là. Poursuivons l'expédition. Suis-moi, à la recherche du mal perdu. Fais le moine, c'est pas le mal qui fait le MC. Reprends tes esprits, frère, il faut que tu te ressaisisses, que tu finisses vite d'accomplir ta mission. Oublie les tentations de l'oseille, je sais qu'en toi la foi sommeille. Mais que faire, Scarabée? Reprends-toi et freine ton ambition. Affronte ce félon, il faut que t'obtiennes sa reddition. Il faut que j'aille le vaincre, j'utilise la technique de Nunchaku. Je vise, touche à chaque coup. Boom bye bye, on a gagné la bataille. Dans mes mains, je tiens le mic, on peut rentrer au bercail. Le voilà, c'est bien neuf, voilà l'oreille du bois. Ils viennent avec le mic d'or sous le bras. D'ores et déjà, un brouillard se dissipe. Redémarre l'enseignement, les disciples repartent à l'entraînement. Et maintenant, la foi retrouvée, plus de lois transgressées. Le totem retourne à sa place au temple, match à tresser. Je suis là, poursuivons l'expédition. Suis-moi, à la recherche du mic perdu. Comme c'est moi, poursuivons l'expédition. À la recherche du mic perdu. Je suis là, poursuivons l'expédition. Suis-moi, à la recherche du mic perdu. Comme c'est moi, poursuivons l'expédition. À la recherche du mic perdu. Je suis là, poursuivons l'expédition. Suis-moi, à la recherche du mic perdu. Comme c'est moi, poursuivons l'expédition. À la recherche du mic perdu. Je suis là, poursuivons l'expédition. Suis-moi, à la recherche du mic perdu. Suivons l'expédition. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, lui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?